assez dense. Donc, imaginez-vous qu'est-ce qui aurait été donné si j'aurais dû compter tous de moitié de temps. Et donc, ça veut dire que finalement, tout ce qui était prévu comme le véritable contenu du coup, qui s'appelle fétichisme et narcissisme, donc toute la deuxième partie, donc, est tout spécifiquement à la sociologie, à la psychologie de du sujet contemporain. Et au narcissisme, on entend que fond complémentaire, donc le côté subjectif du fétichisme de la marchandise, donc tout cela, donc on va le faire l'année prochaine, donc je pense également de novembre en avril. Donc on va donc aujourd'hui, donc je pense peut terminer les discours sur le volet, disons, anthropologique, et peut-être consacrer le deux prochains cours à la naissance du sujet moderne, plutôt que chez le philosophe du 18e et du 18e siècle. Donc on peut donc effectivement dire, dans cette première année, donc nous avons donc un peu posé le base du thème donc, du sujet contemporain, vu à travers les catégories de la critique de la valeur, et nous avons fait une espèce de préhistoire donc à travers l'anthropologie et à travers donc à travers l'histoire jusqu'à l'époque des Lumières. Donc, donc cette deuxième partie du cours donc en 2013-2014, on va plutôt se rattacher à l'époque contemporaine. Mais en effet donc je vous rappelle donc toujours que le sujet principal du cours, c'est le sujet. Donc le sujet moderne, le sujet du travail, le sujet de la marchandise et de l'argent. Et que donc tout ce que nous avons dit jusqu'ici, de certaine manière, a été plutôt un résumé d'abord de ce qu'a dit Marx et dans les dernières séances, ce qu'on a dit essentiellement l'école anthropologique française. Donc en vérité, nous sommes encore un peu dans le fondement donc de la théorie. Donc ce que j'espère en plus pouvoir y ajouter comme la partie peut-être aussi plus originelle, plus mienne, comme ma contribution plus personnelle, ce serait justement donc la partie sur le sujet contemporain et le lien avec les catégories psychoanalytiques, avec la catégorie du narcissisme. Et on me dit ici, surtout dans jusqu'ici toute cette année, nous avons quand même peut-être, on peut dire, assez effectivement de le résumer avec ce qu'on dit votre auteur. De l'autre côté, ben, j'espère quand même que vous n'avez pas perdu votre temps, parce que pour moi, justement, donc, cette théorie du sujet fétichiste que je cherche à dégager, pour moi, doit naître un peu de la rencontre entre justement le Marx ésotérique, donc le Marx à la critique de la valeur, avec une certaine théorie, avec une certaine tradition anthropologique, et finalement aussi avec une certaine sociologie contemporaine. Donc on va parler de psychologie, psychanalyse contemporaine, donc on va parler l'année prochaine. Donc tout cela aussi pour dire pourquoi tout ce détour que nous avons fait à travers Durkheim, Dumont, Mauss et Salins, donc était de toute manière prévu dès le début, fait partie de cette espèce de voyage à étapes vers le sujet contemporain. Voilà pourquoi aujourd'hui on va, je voulais consacrer le cours d'un auteur qui en général n'est pas nécessairement en odeur de sainteté chez les auteurs, chez les progressistes, c'est-à-dire Louis Dumont, donc l'auteur de l'Homo Hierarchicus et de l'Homo Ecalis. Je ne sais pas qui d'entre vous a lu cet auteur. Personne. Non. Il y a 20 ans. Pardon. Il y a 20 ans. Ah, d'accord, je sais pas, peut-être. Non. Pardon. Oui, mais je pense que c'est en revanche, je pense que c'est un auteur assez bien vu dans les études, donc un auteur donc qui, sur la base des études anthropologiques du terrain, notamment de Lund, donc, a développé une théorie plus générale de la modernité, une théorie très problématique, d'ailleurs, qui a été assez mal vue par ses collègues anthropologues et aussi par une partie du public, mais qui contient justement les éléments stimulants dont on va parler aujourd'hui. Toi, tu le connais, Tetson ? C'est l'auteur ? Je vais vous faire circuler ce deux livres. Le plus... intéresse ici. Et donc j'ai d'ailleurs aussi, donc, si on veut poser donc, les auteurs du volet, disons, anthropologique, je les ai aussi traités dans un certain ordre à propos, parce qu'on a commencé avec Durkheim, donc avec surtout les considérations sur le fétichisme, vraiment en tant que catégorie disons, presque ethnologique et l'histoire de la religion. Nous avons, avec Mauss, nous avons vu donc, le don comme une catégorie très générique, qui évidemment il découvre un peu partout. Et surtout, lui, surtout donc, chez les sociétés dites primitives. Donc après, un peu la même chose, donc après nous avons surtout mis en, nous avons surtout, mis en doute la pertinence de la catégorie ontologique de l'économie, donc à travers Salins et Polanyi. Donc là, nous sommes, avec Polanyi, nous nous sommes déjà rapprochés aussi de la modernité. Et donc finalement aujourd'hui avec Louis Dumont, donc également, c'est aussi une transition vers ce qu'on va dire dans les deux prochaines séances. Donc on va parler essentiellement du 18e et du 18e siècle, donc une époque vraiment charnière, époque où naît effectivement la modernité, et où naît surtout donc justement, où naît surtout donc le présupposé en termes de création de la nouvelle forme sujet. Donc on peut dire c'est essentiellement dû à l'action contemporaine dans au moins trois domaines à cette époque-là. Donc, il y a évidemment le domaine philosophique général, donc entre Descartes et Kant, c'est effectivement le sujet moderne qui se met en place. Donc nous sommes quand même assez proches aujourd'hui, même dans notre considération du sujet, nous sommes encore assez proches de l'époque de Kant, tandis qu'évidemment nous sommes quand même assez éloignés de l'époque du 16e siècle. Le deuxième domaine que je n'avais qu'effleuré aussi, c'est évidemment la naissance de la science moderne. Mais là, évidemment, cela nous porterait très loin, parce que je ne suis pas trop expert, donc on y va parler que brièvement. Et le troisième champ, dont on va parler aussi un peu aujourd'hui, c'est la naissance de l'économie, donc de la science économique, et même de la construction d'une économie en tant que domaine séparé du reste de la vie sociale, séparé notamment par rapport à la morale, à la religion et à la politique. Et donc nous continuerons d'ailleurs aussi donc, de toute manière à frapper donc, sur cette idée chère à beaucoup de marxistes que l'économie est une espèce de catégorie ontologique et éternelle. Et donc il serait même le mérite du matérialisme historique d'avoir découvert l'économie comme la base de toute vie sociale en tout temps et lieu. Donc évidemment, comme nous avons vu ici justement, les études anthropologiques sont aussi, nous semblent beaucoup plus proches de l'exploration profonde de Marx que les marxistes traditionnels qui, au contraire, eux, semblent beaucoup plus proches d'une certaine tradition libérale et individualiste. Donc, l'autre fois, donc, nous avons parlé de Polanyi, donc je ne vais pas le reprendre. Je voulais juste vous rappeler, donc, évidemment, tandis que le grand mérite de Polanyi, c'est d'avoir démontré ce processus qui est le désencastrement de l'économie. Nous avons aussi vu qu'il y a comment comme deux grandes limites dans sa théorie, au moins limites pour l'usage que nous voulons en faire. D'abord que Polanyi, en vérité, encore suppose l'existence de l'économie comme un facteur éternel, seulement de certaine manière il n'a pas été reconnu dans les sociétés, donc avant le 18e siècle. Donc justement le désencastrement présuppose que l'économie existait déjà un peu comme l'or, donc dans les pépites d'or, dans la minière, on a simplement dû la dégager. Là, au contraire, justement, Louis Dumont critique, justement, comme sa préface à la grande transformation des critiques, Polanyi, pour cette encore, disons, demi-ontologisation de l'économie, en lui opposant, par exemple, un concept comme le don de Mauss, pour lequel il n'y a pas les individus déjà constitués qui échangent des biens, parce que c'est là l'économie. Mais justement, l'idée du don, c'est qu'on échange toujours aussi quelque chose de soi-même, on échange des prestations qui peuvent aussi inclure des biens matériels. Donc là, pour l'anisme, peut-être n'est pas allé assez loin. Ce qui d'ailleurs est peut-être la raison par pourquoi il est comme assez à la mode actuellement, même dans le monde. Donc, dans les considérations altermondialistes, parce que justement, Polanyi peut facilement être mis au service d'une critique du simple marché, pas du capitalisme tout court, mais simplement d'une espèce d'un désir de, simplement de réguler ou de donner des bornes au marché. Parce que la deuxième limite de Polanyi, donc à mes yeux, c'est son horizon temporel est beaucoup trop restreint. Donc en vérité, juste parce qu'il ne parle pratiquement pas du capitalisme, il ne parle que du marché. Donc en vérité, ça compte. Donc tout ce qu'il considère est une espèce de dégénération selon lui. Donc le problème n'est même pas le marché, mais la société du marché. Donc pour lui, existe pratiquement seulement à partir du début du 19e siècle. Et donc lui, il croyait déjà voir la fin dans les années 30. Donc justement, la grande transformation, c'était justement le retour de l'État. Et c'est là, justement, la troisième grande limite de Polanyi, de penser que l'État, même l'État moderne capitaliste, est justement quelque chose qui représente cette société qui doit contenir l'économie. Et donc Polanyi donc, pensait, que, par exemple, que le mercantilisme était encore une société où l'économie était encore sainement encastrée dans une double sociale. Donc, pour lui, le mal commence donc, avec le libéralisme sauvage et anglais. Et justement, le retour de l'État, donc, surtout dans sa forme du New Deal rooseveltienne, donc, représente déjà presque une solution aux yeux de Polanyi. Et c'est assurément une troisième limite de sa réflexion. Et je répète, là aussi, je pense, voilà pourquoi Polanyi, à côté de ses grands mérites scientifiques, peut effectivement être aussi récupéré aujourd'hui par une vue que je trouve assez superficielle sur l'idée qu'il suffirait de limiter les marchés pour une plus forte intervention de l'État, le retour de l'État social, etc. Je trouve donc, moi, personnellement, que le vue de Polanyi ne porte pas si loin que, par exemple, celui de Marcel Mauss. Donc, on a vu quelques échanges à la fin de la séance précédente. Je voulais peut-être les commenter brièvement, mais vraiment très brièvement, sur un ton, disons, un peu dogmatique, parce que sinon, on passera tout le reste de la séance à discuter. Donc je l'avais dit, je souhaite encore le répéter parce que ce sont pas toujours évident. Donc il n'y a pas d'échange de marchandises sans marchandises argent. Je l'avais dit, mais je le répète encore aussi pour ceux qui n'étaient pas là, parce que ce thème est apparu l'autre fois. Donc le bien n'est pas de marchandises au sens de Marx, lorsqu'il n'y a pas une marchandise qui tienne le rôle de l'argent marchandise, donc historiquement les métaux précieux, c'est seulement l'existence de la marchandise argent qui fait que les autres biens se rapportent contre elle en tant que marchandise. Et cela est donc c'est aussi important pour ce que nous dirons la semaine prochaine sur la naissance aussi de l'économie monétaire à la fin du Moyen-Âge. Et c'est donc d'une certaine manière que ce que nous apparaît comme de l'argent dans les sociétés pré-capitalistes, en vérité, avait d'autres fonctions. Il n'avait pas la fonction de faire circuler à un niveau général des marchandises mesurées sur la quantité de travail qu'il contenait. Donc l'argent était, par exemple, avait souvent, par exemple, une fonction essentiellement rituelle, une fonction aussi d'établir une hyène, dans le sens du don. Ça veut aussi dire qu'il n'y avait pas aussi de marchandises. Et cette distinction est importante, parce que dans une lecture assez fréquente, qui est aussi chez les marxistes traditionnels et aussi chez des gens comme Polanyi, il est tout à fait naturel, donc transhistorique, ontologique, qu'il existe quelque chose comme le travail, donc que les activités humaines peuvent être résumées sur le titre général du travail, et que donc, les biens sont estimés par les êtres humains, même si d'une manière inconsciente, sur la base du travail qu'ils ont coûté. Donc cela, je le dis, le marxisme traditionnel. Cela est un fait presque préhistorique, ce Engels même qui le dit. Et donc, mais ce ne serait pas un mal en tant que tel, parce qu'en vérité, c'est même juste que chacun, d'une certaine manière, obtient l'équivalent de son travail. Donc, le mal, dans cette perspective-là, arrive seulement avec l'arrivée de l'argent, d'une certaine manière, qui falsifie la circulation des marchandises. Ce qui donc serait arrivé dans la modernité. Donc, dans cette vue-là, la marchandise et le travail sont éternels, et le rôle excessif de l'argent qui serait le mal social. Comme je dis, on trouve cela chez les marxistes, on le trouve cela également dans la critique de droite, de l'anticapitalisme de droite, on le trouve chez les proudhonistes, on le trouve chez Polanyi. Et je répète, au moins, si on prend au sérieux la théorie marxienne de l'argent, cette idée est fausse, c'est-à-dire juste à ce qu'il n'y a pas d'argent, de marchandises d'argent, les autres biens ne sont pas des marchandises. Donc, ça veut dire que marchandises et argent vont historiquement et logiquement ensemble. Et donc, on ne peut pas abolir l'argent sans abolir la marchandise et donc le travail abstrait. Et donc, cette considération, je veux dire, d'un côté, a une importance historique. Je répète, on va le voir si lorsqu'on traitera de la naissance du capitalisme. Et cela, évidemment, a aussi un rôle politique. Ça veut dire que toutes les idées, par exemple, de combattre les spéculations, de combattre l'intérêt monétaire, ou de remplacer l'argent habituel avec toute forme de pseudo-argent qui maintenant ont même une certaine retour, donc tous par exemple que l'argent qui se déprécie un peu à peu si on ne l'utilise pas, ou le fameux le billet horaire qui peut donc voler qu'on se change entre eux, et tout cela en vérité ce sont de faux fouillons, parce qu'en vérité ce sont de simples substituts de l'argent actuel, on ne voit pas où l'utilité. Ou ce n'est pas de l'argent, mais alors il faut sortir d'une société où les personnes se rencontrent en tant que propriétaires privés des marchandises estimées sur leur travail. Alors la troisième chose, qui importe très loin, moi justement je ne voulais quand même pas complètement laisser tomber parce qu'on a discuté là à la fin de la séance précédente, c'est justement la question très vaste. Du symbolique et du fétichisme, dans le sens, parce que nous avons souligné donc, que, au moins dans une perspective anthropologique, et pratiquement les êtres humains investissent toujours tous auxquels ils ont rapport d'une façon symbolique. Donc les choses ne sont jamais ce qu'ils sont en tant que tels, et l'être humain donc, établit toujours des relations symboliques entre les objets et entre lui-même et les objets. Et donc cela est aussi là, évidemment la limite évidemment, de toute considération qui est banalement matérialiste, évidemment qu'on peut démontrer en mille exemples que les actes humains, ni aujourd'hui ni dans le passé, n'obéissent jamais à des considérations strictement matérielles ou strictement des bien-être matériels personnels. Donc le rôle que les objets, même les services, jouent évidemment dans la société, dans la vie, dépend aussi de la licence que le société symbolique dont les sociétés les investissent, et cela varie évidemment fortement d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. Et donc très souvent, on a utilisé cet argument contre le marxisme, contre le matérialisme historique, en disant que là, on réduit l'être humain, donc le pire des cas, une espèce de, comment dire, de brûleur de calories, donc qui est essentiellement préoccupé donc, à trouver quelque chose à manger, un abri, et pour lequel tout le reste, le symbolique, n'existerait qu'en fonction, en dépendance de cette satisfaction des besoins primaires matériels. Il est vrai, donc, cette critique est juste, évidemment, si on l'adresse à une certaine forme assez réductrice de matérialisme historique. De l'autre côté, cette idée est comme assez répandue. D'ailleurs, même Louis Dumont, donc, évidemment, qui était très antimatérialiste dans son approche, Ils sont presque obligés de constater que même dans des milieux où le marxisme n'est pas du tout du coup, comme c'est comme aux États-Unis, et donc on est comme assez habitué à considérer toujours la reproduction matérielle de la vie comme un facteur. Comme un facteur, comme la base, comme le facteur premier par rapport au reste, par exemple, de la religion, l'art, la juridiction, la culture, etc., serait une espèce de facteur dérivé ou secondaire. Alors, donc justement, donc, je vais souligner que la théorie du fétichisme, je pense, a le grand avantage de pouvoir sortir de ce dilemme, justement parce que le fétichisme est justement une manière de investir symboliquement les objets. Et justement, le fétichisme est quelque chose qui échappe à la dichotomie classique de l'être et de l'apparaître. Mais évidemment, je vais aussi admettre une objection possible, justement, d'un point de vue, on peut dire anthropologique, on peut dire justement. Il a toujours existé quelques formes de fétichisme, donc c'est normal que l'être humain il ne peut pas vivre sans médiation symbolique. Donc les Australiens projetaient leur pouvoir collectif sur un totem, et au Moyen-Âge on les projetait sur le sol, et aujourd'hui on les projette sur les marchandises d'une certaine manière. Donc on ne peut pas sortir du fétichisme en imaginant une espèce de transparence, d'immédiateté totale, où la société se rapporterait directement à une espèce de gestion matérielle des ressources. En plus, j'ai admis que, par exemple, certaines formulations initiales de la critique de la valeur, même chez Robert Kurz, peuvent effectivement parfois être un peu lues dans ce sens-là, dans le sens maintenant, on va en finir avec cette auto-tromperie qui a duré des millénaires, qui est le fétichisme, et on va finalement arriver donc, à avoir un rapport direct de choses, on va vraiment se rapporter à leur utilité directe. Effectivement, cette vision serait effectivement une très réductrice. En même temps, je pense... On ne peut pas dire que de toute manière, alors on est toujours dans le symbolique, on est toujours dans le fétichisme de la marchandise, donc la marchandise sensible, suprasensible, on est toujours dans la même logique comme les manas ou comme le totémisme, donc ce n'est pas ni pire ni meilleur que les autres choses. De toute manière, on ne va pas en sortir. Je pense que là, justement, la question est mal posée. Il ne faut pas se demander si on veut complètement sortir à jamais de toute forme de fétichisme de la médiation, mais il faut quand même comparer historiquement les différentes formes de fétichisme et aussi voir quel est leur, de certaine manière, leur impact sur la vie sociale. Alors moi aujourd'hui, donc je ne proposerai plus le fétichisme de la marchandise que le fait d'investir le moindre objet d'une espèce de transcendance qui est le travail abstrait. Je ne opposerai pas cela à une idée d'une transparence totale, d'une immanence totale, mais simplement à peut-être à d'autres formes de fétichisme au monde un peu moins ruineuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que cette question, il ne faut pas, d'une certaine manière, la dédramatiser. Donc, pour critiquer le fétichisme de la marchandise, il n'est pas nécessaire qu'on peut indiquer ou imaginer une société totalement non fétichiste. Parce que là, on tomberait facilement dans une espèce de piège où on dit, on est toujours dans le fétichisme, alors on va garder celui que nous avons. Je pense qu'il faut aussi vraiment ici, de certaine manière, plus modestement, ici même historiquement, procéder d'une espèce de comparaison entre le prix que ont demandé certaines formes de fétichisme. Donc, aussi, même on ne peut pas les mesurer en termes statistiques, il faut comme demander aussi chaque fois quel est aussi le prix que paye la société, quelles sont les souffrances qu'on. Non, mais quelles sont les souffrances, quel est le degré finalement aussi des violences exercées sur les individus, mais aussi le gaspillage des ressources naturelles. Je crois que je vous avais raconté l'autre fois que j'ai vu récemment une exposition pour moi assez impressionnante sur les habitants pré-Inca du Pérou et le rituel assez sanglant qui d'ailleurs se retrouve dans toutes les cultures pré-colombiennes, donc une grande propension au sacrifice humain, donc une coup de représentation des têtes tranchées, donc une grande rôle du sang humain. Et donc, et cela quand même m'a fait réfléchir beaucoup sur la question du fétichisme. De mon côté, on dirait que c'est quand même une société assez épouvantable. On dirait que ce semble quand même une forme de fétichisme particulièrement terrible pour les personnes qui vivent, qui évidemment qui risquent à tout moment donc d'être attrapées par la tribu voisine dans une guerre, parce que les guerres de ce peuple servaient essentiellement à avoir des gens qu'on pouvait sacrifier au nom des pyramides. Mais là aussi, je pense, je ne suis pas du tout un expert de l'anthropologie méso-américaine, mais je ne sais pas par exemple quelle était la fréquence de ce sacrifice. Peut-être c'est arrivé peut-être une fois tous les 5 ans qu'on massacrait un peu de gens, mais peut-être le reste du temps, c'était peut-être une société très pacifique. C'est possible au monde, je dis, donc on se laisse évidemment aussi parfois tromper, par exemple, leurrer, par exemple, pour cette représentation très impressionnante. On ne sait pas quel était vraiment l'impact sur la société réelle, sur la fréquence de ces actes. Et surtout, nous ne savons pas quelle était la. En plus, surtout, si c'était vraiment vécu comme quelque chose d'horrible par la personne. C'était déjà si vous vous rappelez l'essai de Montaigne sur le cannibale, déjà, il met en relief le fait que, par exemple, les prisonniers qu'on faisait dans ces occasions-là, donc, on les élevait presque comme ses propres fils, on les nourrissait bien. Ils ne pensaient même pas à s'échapper. Donc parce qu'on avait tellement expliqué que c'était un grand honneur d'être sacrifié à la prochaine cérémonie, que ce jour-là, il allait presque comme une espèce de fête. Là aussi, est-ce que c'était toujours le cas? On ne peut pas le savoir. Mais là, il y a encore une autre. Aujourd'hui je peux planter mon film. Et on a quand même une autre fait que. Dernière donc, observation, un bon marge. Alors, justement, c'est la question, par exemple, s'il existe un instinct de survie chez l'être humain. Parce que normalement, nous avons toujours tendance à dire oui, c'est même l'instinct le plus fort qui existe. Et essentiellement, le matérialisme, justement, tout le matérialisme historique, en vérité, se base sur cette idée que l'instinct de survie est extrêmement fort chez l'être humain. Et donc, la première préoccupation de l'être humain est toujours d'abord de sauvegarder son propre corps, donc la nourriture est toujours l'abri des intempéries, etc., est toujours la première nécessité. Donc cela semble évident, en vérité, ce n'est pas si évident que ça. D'abord, déjà, dans la vie courante, nous voyons tout le temps des personnes qui ont des comportements qui ne semblent pas du tout obéir d'un instinct de survie. Aller en motocyclette à 200 km par heure, par exemple, ce n'est vraiment pas un instinct de survie. Mais, par exemple, peut-être correspond peut-être à une besoin symbolique, par exemple, dans ces cas-là, assez fort, par exemple, de s'identifier avec une idée, par exemple, de vitesse ou de pouvoir qui semble, selon la plus importante, par exemple, que la même survie. S'il existait cet instinct de survie si généralisé, il est inexplicable qu'il y a si peu de désertions dans la guerre, qu'il y a même beaucoup de gens qui se sentent même. On ne pouvait pas expliquer la fréquence des attentats suicides, donc on ne pouvait pas expliquer que des missions dangereuses mais réputées honorables pour qu'ils les acceptent en général trouvent toujours des volontaires, que ce soit en guerre ou dans les entreprises industrielles, etc. Donc tout cela démontre que quand même il existe beaucoup de situations où il y a des êtres humains qui sont disponibles à mettre pas seulement leur repos, comme on disait, mais même leur propre vie physique au deuxième plan par rapport à, par exemple, à satisfaire une exigence d'ordre plutôt symbolique. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. La conception qu'on peut avoir, nous, occidentaux, entre guillemets, de l'individu appréhender en tant que personne physique, biologique, et la conception que peuvent avoir d'autres peuples auxquels tu faisais référence tout à l'heure, en Amazonie ou en Asie ou ailleurs, notamment les travaux de Philippe Descola ou Augustin Berg, ou tous les anthropologues qui eux distinguent entre, dans l'individu, entre l'individu physique, biologique, et l'individu social ou l'individu médial, ou tout dépend de, voilà, qui est une entité à part entière et qui vit au travers le milieu. Ce dont on parlait tout à l'heure, le sacrifice ou le fait d'être ingéré pour apparaître sous une autre forme n'a pas la même signification dans d'autres civilisations, qu'elles soient primitives, entre guillemets, dans des tribus d'Amazonie, ou que ce soit des civilisations raffinées comme les civilisations japonaises ou autres. C'est des notions qui sont un petit peu différentes. Tout dépend du point de vue. Oui, déjà à partir du fait, si on a toujours été élevé par l'idée qu'il y a une vie après la mort et que même la mort physique peut accélérer l'accès à cette autre vie, et si on n'a jamais vu personne qui s'est en doute, par exemple, c'est comme assez facile que cela porte vraiment, finalement, par exemple, à mépriser sa propre mort physique, au moins dans certains individus. Hein. Ça m'est venu mettre un peu à l'esprit en parlant, moi, c'est peut-être cette surévaluation de l'instinct de survie physique, je pense, a joué un rôle assez néfaste, même dans la critique sociale. Peut-être il faudrait écrire un essai sur ça. Par exemple, je me rappelle deux choses. C'est une des théoriciennes de la social-démocratie allemande, je crois, Kautsky, qui disait une chose du jour. Tu reconnais cette citation, Jonas? Il disait à peu près, je crois, que tous nos efforts socialistes seraient inutiles si les ouvriers n'avaient déjà comme base un instinct de survie, un désir d'améliorer leur situation. Et donc c'est une confiance qui est dans cette espèce d'instinct de survie qui, d'ailleurs, juste en Allemagne, a été cruellement déçu quelques années après lorsque les mêmes ouvriers se sont jetés avec enthousiasme dans les tranchées. Et l'autre, c'est évidemment la tendance actuelle écologique qu'on appelle le catastrophisme, donc cette idée que si l'humanité est menacée assez menacée, elle va finalement se réveiller et on va tirer les bonnes conséquences. Absolument rien ne permet de le dire, de même qu'il y a des individus qui préfèrent de continuer à fumer plutôt de prolonger inutilement leur vie. Et le même discours au plan social. Donc le livre, assurément assez peu superficiel et sensationnel, comment s'appelle, Java Monte Diamond, sur la forme des cultures, il a au moins le mérite de démontrer qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont préféré de sombrer plutôt que de renoncer à leur façon de vivre. Donc, bon. Donc justement, alors on aura tout le loisir de retourner à cette thématique aussi dans la prochaine séance et l'année prochaine. Mais justement, c'était pour dire, je pense qu'il est important de définir les statuts de la critique du fétichisme de la marchandise par rapport à une considération sur le fétichisme ou sur le symbolique tout court. Donc, on ne va pas noyer les poissons, donc on ne va pas simplement mettre le fétichisme de la marchandise dans une longue liste de folies humaines ou des médiations humaines, et donc on va quand même insister sur sa spécificité historique, sur le fait que c'est justement le fétichisme de la marchandise ne se limite pas comme le prêtre aztèque à quelques massacres peut-être une fois par an, mais certainement justement à cette particularité de, aussi grâce à son union avec la révolution industrielle et technologique, justement, les fétichismes de la marchandise a assurément une espèce de force de pénétration vers chaque aspect de la vie qui n'existait pas avec cette violence matérielle dans les autres formes de fétichisme. Et même si peut-être on ne peut pas trouver une différence absolue entre le fétichisme de la marchandise et les autres formes de fétichisme, au moins ces conséquences sont quand même beaucoup plus importantes. Et donc on ne peut donc même pas, d'une certaine manière, blanchir le fétichisme de la marchandise, on compte qu'une simple continuation d'autres formes de religion. qu'il y a comme quelque chose qui finalement a une prise infiniment plus grande aussi sur le monde matériel, sur les ressources. Et donc évidemment, on critique donc beaucoup la conception matérialiste de l'histoire, ce qui d'ailleurs probablement peut paraître paradoxal parce qu'en général on pense que c'est justement une des caractéristiques les plus profondes de la théorie marxienne. On pense en général que c'est le matérialisme, et ce qui est vrai à certains égards. Moi justement je pense justement aussi ce développement ultérieur à partir de Nouveau de la théorie marxienne nous amène assurément à mettre en doute évidemment de ce qu'on appelle le matérialisme historique, ce qui évidemment a été fait très largement surtout dans les dernières décennies. Le problème, c'est que c'est aussi le problème de notre ami Louis Dumont, que souvent on retombe justement dans une forme d'idéalisme. Donc au lieu de développer, d'aller au-delà du matérialisme, j'ai l'impression qu'on retombe en arrière, on recommence avec une histoire. Ce sont simplement les idées qui font tourner le monde. Et d'une certaine manière, le côté objectif, d'une certaine manière, se tient derrière. En vérité, on pourrait, si on conçoit le terme idéalisme de manière assez large, on pourrait y mettre en vérité même des auteurs comme Michel Foucault, par exemple, d'autres, certaines manières, il y a toujours une espèce d'épistème, d'idées qui, on ne se comprend pas trop bien d'où il arrive, mais de toute manière, ils ont évidemment une espèce de capacité presque métaphysique de modeler la réalité selon leurs idées. Donc justement, pour moi, je dis, la critique de la valeur n'est pas seulement un discours politique, ça doit aussi devenir un paradigme de sciences sociales. Je pense qu'il y a un mérite dans ce paradigme, ce serait d'aller au-delà de cette dichotomie entre matérialisme et idéalisme, et justement de reprendre le concept de Marx de la forme sociale totale, justement de voir que la marchandise n'est ni un facteur économique, ni une idée des économistes, que la réalité productive et la mentalité, la forme sujet, sont les deux côtés de cette même forme que nous pouvons appeler la forme marchandise, qui a un côté subjectif et un côté objectif, et on ne peut pas dire quel côté est le côté principal ou vers le premier, ni logiquement, ni historiquement. Justement, ce sont deux choses qui, comme un peu, donc, justement, comme un peu, qui font une espèce de spirale où le facteur subjectif et le facteur objectif se renforcent tout le temps. Alors on va aussi en parler la séance prochaine. Mais justement, comme transition, je voulais justement résumer un peu les idées de Louis Dumont, qui lui, au contraire, représente presque jusqu'au caricatural l'idée que l'économique, le discours économique est une espèce de convention des économistes. Même si celui, donc tout ce que lui il appelle le discours individualiste, et j'ai du moins quelque chose qui remonte au début du christianisme, à l'ascétisme. D'ailleurs, en général, j'ai vu très souvent, lorsqu'on ne sait pas comment expliquer d'origine à une idée, on va vers le père de l'Église, que le même discours, non, je crochais à Gambetta, chez d'autres, semble le père de l'Église que personne n'a lu pendant des siècles. Donc, vous savez, la grande édition, je crois, les Miniers, non, je pense qu'il y a 83 volumes de père de l'Église, il semble qu'ils ont, ils ont une espèce de regain d'intérêt, on commence à y trouver l'origine de la mentalité moderne. Mais je dois dire qu'encore je n'ai pas commencé la lecture, donc j'ai arrêté à Saint-Augustin, mais toi tu connais ces histoires. Oui, on a discuté ce matin en parlant de Spinoza sur les la théorie de la l'analyse des objections sur le discours scolastico des uns, et donc les 24, enfin les tomes sur tous les pères de l'Église de Ligne. Oui, enfin, Donc, de toute manière, c'est sûr, je pense que l'étude des pères de l'Église sera de plus grande profit intellectuelle que l'étude de la plupart des auteurs postmodernes. Par exemple, au moment, je pense qu'il y a une rigueur logique majeure. Donc je tenterai maintenant un peu de résumer, de commenter peu le discours de Louise Dumont en tentant d'être objectif, même si c'est pas toujours facile parce que c'est une auteure qui a des idées très intéressantes, mais en même temps, il y a aussi parfois des mots de confusion, des glissements sémantiques et des affirmations à l'arrache-pied qu'il est difficile donc de l'exposer sans le commenter en même temps. Alors, pour qui ne le sait pas, donc Louise Dumont était née en 1911, je crois, et a fait. Il était enseigné ici dans cette même école. Et donc, il était devenu connu surtout comme expert, comme œnologue, comme expert de l'Inde. Il a surtout fait un gros livre qui est devenu classique dans les études sur l'Inde, donc Homo Hierarchicus. Donc, évidemment, le titre est ironique, il étudie dans les détails le système des castes et la vision du monde, donc très hiérarchisé en Inde. Et ce n'est qu'assez tardivement, je crois, qu'il a commencé à s'occuper aussi de l'histoire des idées, les idées modernes, et à développer une espèce de théorie de la modernité centrée sur l'opposition entre l'individualisme d'un côté et de l'autre côté la société holiste, donc il dit de préférence hiérarchique. Donc pour lui, l'exemple, c'est l'Inde. Il dit. Donc Dumont parle, là c'est intéressant, donc effectivement de l'idée d'une très forte fracture entre modernité et toute la société non moderne. Et il tente de comprendre cette fracture. Il dit il ne faut pas toujours considérer les sociétés non modernes comme une espèce d'étape vers la modernité et se demander, par exemple, pourquoi il n'avait pas la science, pourquoi il n'avait pas le monothéisme, pourquoi il n'avait pas ceci et cela. Nous, il dit, là, c'est bon pour point de départ, il veut se demander pourquoi la modernité est si différente par rapport à tout ce qu'on a connu avant. Donc, selon nous, donc, toutes les sociétés prémodernes sont des sociétés basées sur les hiérarchies. Je vais tout de suite dire qu'est-ce qu'il entend par hiérarchie. Et sont des sociétés où il y a une prééminence du tout sur les éléments et sur l'individu. Voilà donc pourquoi ils les appellent sociétés holistes, terme plutôt répandu dans le monde anglophone. Et donc, évidemment, l'exemple donc, le plus accompli d'une société holiste et hiérarchique qui a duré presque sans grand changement pour des millénaires, donc qui donc fait pour lui des paradigmes de la société traditionnelle, donc c'est l'Inde. D'ailleurs, donc, Dumont a reçu beaucoup de critiques pour ce livre. Donc, une critique, c'est de toute manière l'observation qu'on peut même trouver dans la société traditionnelle, des sociétés qui ne sont que faiblement hiérarchisées. Donc, beaucoup de sociétés, par exemple des chasseurs, se sont occupés des auteurs comme Sardines et Clastres. En vérité, en effet, donc, la théorie de Dumont porte essentiellement sur ce qu'il appelle la civilisation supérieure. Donc, en vérité, donc, c'est la société de l'Inde, c'est la société féodale, c'est la société antique, et égyptienne, etc. Après, il se défend d'idéaliser la société hiérarchique. En vérité, on sent quand même une très grande sympathie pour la société hiérarchique et il considérait quand même la société individualiste, donc à part donc, tel qu'il est venu après le Moyen-Âge, comme une espèce d'aberration auquel on devrait même mettre fin. Donc je pense qu'il y a quand même des conséquences politiquement réactionnaires, sont peut-être semées, même il ne les a pas tirées, il est comme assez facile de les en tirer, je crois que d'autres l'ont fait. Mais, même discours qu'on porte de Horkheim, nous n'allons pas juger une auteure sur ses prises de position politique, mais plutôt sur une certaine valeur scientifique. Alors, lorsqu'il parle d'hierarchie, il veut le distinguer du concept de pouvoir ou de richesse. Donc, évidemment, toutes les sociétés hiérarchiques ont aussi une hiérarchie sociale, mais. Et justement, il fait l'exemple de l'Inde où l'hiérarchie religieuse n'est pas une hiérarchie des pouvoirs ou des richesses, parce que comme vous savez, la catégorie, c'est une catégorie évidemment d'origine religieuse, mais la catégorie est plus une autre. Les brahmans, en général, ils gouvernent par la société et ils peuvent aussi être très pauvres, tandis que les classes inférieures, même le paria, peuvent aussi accumuler des richesses, donc le paria peut être évidemment plus riche qu'un brahman. Mais évidemment, pour la mentalité indienne traditionnelle, ça ne veut absolument rien dire quand même. Également, un brahman va également jeter sa nourriture. Je crois que c'est la chose la plus connue lorsque l'ombre d'une paria est tombée sur sa nourriture. Donc il y a cette obsession sur la pureté et il y a une forte hiérarchisation. Mais, donc, plus du moins, il ne s'agit donc l'hiérarchie donc, sociale. N'est, je pense que pour du monde, d'une certaine manière, la conséquence d'une vision du monde qu'il retrouve chez toutes les sociétés traditionnelles, où la société est toujours considérée comme une tour, où chaque élément tient sa place. Et sa place donc, n'est jamais la même place que l'autre. Donc, en effet, il cite plusieurs fois le concept la grande chaîne des lettres. Donc, c'est un concept aussi de livre. Des années 30 d'un auteur anglais, je crois, Lovejoy. Il cite aussi donc beaucoup l'idée, le néoplatonisme comme une expression parfaitement, particulièrement accomplie de vision hiérarchique du monde, où il y a donc un être suprême, donc ça va être Dieu ou les dieux, et il existe différents degrés, évidemment, de l'être, donc selon la question de s'ils sont plus proches ou plus éloignés aussi de cette espèce de centre du tout. Et donc la place que chaque action, chaque être humain, mais aussi chaque plante, chaque animal, même chaque minéral, etc., tient dans l'univers et donc dépend donc d'une espèce d'ordre cosmique, où évidemment, la justification de tout ordre hiérarchique est toujours que ce n'est pas une valeur mineure ou mineure, mais simplement chacun a son rôle dans cette espèce de grand organisme qui est l'univers. Et donc il donne par exemple l'hiérarchie est essentiellement une question entre le tout et le parti, où le parti est toujours senti comme étant englobé dans le tout. Et donc, le rôle qui tient les particuliers dépend dans son, de sa place dans le tout. Par exemple, même si il prête particulièrement discussion sur la question d'Adam et Ève, il dit que ce n'est pas que dans la Bible, Ève est considérée inférieure à Adam. Mais, d'abord, dit-il, il y a l'être humain, et après, donc, il y a donc, qui d'abord n'a pas de sexe, donc, et après, il est conçu comme mâle, et donc, c'est du mâle qu'est née la femelle. Et donc, la femelle, d'une certaine manière, est une espèce de dérivation de ce tout qui est l'homme. Il fait un peu la même considération sur le rapport entre le prêtre et le roi dans la société féodale. Ou un autre exemple que j'ai trouvé un peu plus clair, c'est lorsqu'il dit que nous, aujourd'hui, nous parlons des biens et services. Et dans ce concept même, nous pensons que déjà que le service font partie de la catégorie plus vaste du bien. Donc nous hiérarchisons, mais dans ces cas-là, par exemple, nous, les services sont englobés dans la catégorie du bien, des marchandises. Et cela, selon nous, est typique d'une société comme la nôtre, une prééminence de l'objet matériel donc sur la relation. Donc, le service d'une relation, donc, il est considéré comme englobé, donc, comme hiérarchiquement, d'une certaine manière, comme provenant de la catégorie plus vaste qui sont les biens. Tandis qu'il dit, par exemple, dans une société traditionnelle comme la société mélanésienne, nous avons parlé de prestations de biens. La base de la société mélanésienne, donc, c'est le don, donc c'est la prestation entre individus qui peuvent aussi inclure des objets matériels. Et donc, dans ces cas-là, donc, dans la vision hiérarchique du monde qui entre les mélanésiens, donc, le bien est toujours considéré comme englobé dans la catégorie plus vaste de la prestation. Alors, je tente de vous expliquer, en plus, le dit du monde n'est pas toujours très clair, donc en plus, on a parfois l'impression qu'il jongle beaucoup avec le concept, aussi selon les nécessités du moment. Mais je pense que là, effectivement, il a quand même dit une chose assez intéressante et importante, en effet, dans le sens. Donc, il dit donc les hiérarchies n'étaient pas seulement une structure sociale, donc c'était surtout une vision du monde, et donc c'est une manière de hiérarchiser tous les êtres. Donc, dans les sociétés traditionnelles, on attribue sa place à un ordre cosmique qui, en général, effectivement, est imaginé comme d'origine religieuse. Et donc la place de chaque élément, donc en général, son rôle dépend justement de la unité supérieure dont il fait partie. Cette unité supérieure également tient son rôle, par exemple, à partir de l'unité encore supérieure, etc. Donc il y a justement une espèce de chaîne qui va de l'élément le plus simple, comme par exemple un individu, jusqu'évidemment au premier moteur, par exemple, comme on le dit dans la philosophie d'Aristote, ou jusqu'au dieu chrétien ou à notre divinité. Et tandis, donc, du moins ici, c'est évidemment que le terme individu, évidemment, a deux significations. Donc, il y a évidemment l'individu en tant qu'entité physique, qui est effectivement quelque chose qui toujours existe. Là, évidemment, on ne peut pas le mettre en doute, mais. Ce qui en revanche est un domaine historique, c'est justement la conception de l'individu comme en tant que justement en tant que base de la société. Parce que justement toute sa caractérisation de la société hiérarchique nous sert pour mieux comprendre à travers la méthode comparative, justement la société individualiste, la société des individus modernes, qui selon nous est une caractéristique qui n'existe que dans la société moderne. Au contraire, il y a une espèce de prééminence de l'individu où la société, ou même tout l'ordre cosmique, est toujours pensé à partir d'un élément particulier. Donc selon nous, c'est une caractéristique de la seule société moderne. Imaginer la société comme une agglomération d'individus, de penser que la réalité ontologique, c'est l'individu, et la société, et ses besoins, ses désirs, et la société, l'État, etc., le mœurs, etc., tout, cela existe pour permettre à l'individu de s'épanouir, de mieux jouir de sa vie. Là, effectivement, je pense du bon à effectivement cueillir un aspect intéressant. Effectivement, aucune société prémoderne pose l'individu comme base. Donc l'individu doit toujours servir à quelque chose d'autre dans toutes les autres sociétés. Que ce soit à Dieu, que ce soit à son roi, que ce soit à la tribu, ben, l'individu est toujours défini dans la société prémoderne à travers son rôle. Et effectivement, ce rôle n'est jamais le même pour tous. Peut-être les sociétés ne sont pas toujours hiérarchisés dans un sens d'une stratification sociale. En effet, ce n'est pas ce que du monde veut vraiment dire, mais d'une certaine manière, l'individu, d'une certaine manière, est toujours, donc ne peut même pas se concevoir ça même, sinon comme à travers sa place dans un ensemble. Donc la place des différents individus ne peut jamais être complètement le même. Amen. Tandis que l'individu moderne donc, est individualiste est donc forcément égalitaire selon du monde, parce que évidemment, tout individu, en tant qu'être né, en tant qu'être humain, est a priori ontologiquement est égal à tous les autres individus. Et toutes les différences, par exemple des richesses, des pouvoirs, des intelligences, des cultures, etc., sont toujours considérées comme une espèce de variation donc, qui arrive après, et donc là on arrive donc facilement aussi dans une espèce d'égalitarisme politique donc, où on considère que les inégalités entre les individus sont même d'une certaine manière, si on veut, illégitimes parce qu'en vérité ils ont obtenu d'une certaine manière à travers des choses injustes, par exemple à travers l'héritage économique. En effet, il est vrai qu'on ne trouve pratiquement jamais dans les sociétés prémodernes de revendication de quelque chose comme une égalité, ou peut-être très rarement, chez quelques penseurs grecs peut-être. Par exemple, si vous pensez par exemple les caractéristiques, là c'est pas du mot que je dis, mais c'est moi qui j'ajoute, Parce que, par exemple, toutes les révoltes, par exemple, le Moyen-Âge, même les grandes révoltes paysans, des paysans, etc., n'avaient toujours jamais comme but explicite d'établir une nouvelle société égalitaire. Le but proclamé était toujours de revenir à la société juste qui existait avant, où chacun, d'une certaine manière, avait ce que nous revenait. Donc la révolte paysanne était toujours conçue comme une espèce de réétablissement d'un ordre originaire du monde, qui souvent était aussi au Moyen-Âge identifié avec le message évangélique, donc l'Église et l'ordre féodal auraient simplement perverti. Et là, donc, justement, aussi, je pense que Dumont a raison, donc l'idée de la égalité des individus, une égalité essentielle par rapport à laquelle leur différence ne sont que des accidents, tandis que les individus sont égaux dans leur substance, est effectivement une idée qui, je pense, naît plus ou moins au XVIIe siècle. Et, autre chose très importante, très intéressante, cette conception de l'individu, évidemment, est liée à la naissance de la vision économique du monde. Donc l'individu commence donc à être défini essentiellement comme le porteur de sa force de travail. Dans la vision des économistes. Et justement, donc, les considérations de Dumont sur l'individualisme, je trouve, malgré leurs limites, justement, peuvent quand même nous aider, dirais-je, à mieux comprendre justement cette forme vide sur laquelle je insiste, que donc la forme sujet moderne est une forme vide, comme la marchandise est une forme vide, et donc toutes les marchandises en vérité sont égales entre elles, et donc une différence quantitative, parce qu'elles ne représentent que du travail abstrait vide, tous les travaux sont égaux en tant que travaux abstraits, et finalement, dans une société du marché, tous les individus sont effectivement égaux parce qu'ils ne représentent que différentes quantités de valeurs qu'ils portent sur le marché. Leurs différences, et effectivement, toutes leurs autres différences, de certaines manières, donc sociales, physiques, c'est les conditions de vie, les sont considérées comme, de certaines manières, comme des accidents au sens évidemment aristotélicien, composés en substance. Et donc, d'ailleurs, là, c'est évidemment que ce rôle de l'individu et de l'égalité dans la société moderne, c'est évidemment quelque chose qui, plus tard, à partir de Rousseau, a souvent été observé. Mais très souvent, même dans la lecture marxiste, on a opposé donc, ce côté de l'égalité des individus comme le côté positif, comme la grande découverte des Lumières, pour l'opposer à la réalité capitaliste, qui en vérité, donc selon une lecture marxiste traditionnelle, est au contraire une société donc fortement inégale, hiérarchisée, de certaine manière qui nie cette liberté aux individus. Mais il y a, faut quand même dire que là, c'est une vision comme assez superficielle, qui avait une base réelle justement dans le fait que le capitalisme a longtemps gardé les traits essentiellement encore féodaux. Mais le capitalisme dans sa forme pure est effectivement une société égalitaire justement qui connaît les différences, parce que ces différences ne sont que des différences quantitatives. Mais nous, par exemple, aujourd'hui, déjà au XVIIe siècle, on était plus obligé, par exemple, de porter des vêtements différents selon, par exemple, son statut social, comme dans l'ancien régime, où il n'y avait plus de juridictions différentes, au moins en théorie. La pratique peut être différente, mais en théorie, évidemment, si les patrons frappent les domestiques, ils devraient encourir la même peine comme les domestiques lorsqu'ils frappent les patrons, au moins, selon le code civil. Après, la réalité peut être différente, mais c'était comme déjà une idée qui est effectivement égalitaire, qui était tout à fait inimaginable dans toute société d'ancien régime. Donc, évidemment, il y avait toujours des juridictions très différentes parce que les individus, justement, n'étaient jamais conçus comme égaux. Justement, c'est une idée qui commence, je pense, à apparaître, par exemple, au XVIIe siècle, par exemple, avec le level, le terme déjà le dit en Angleterre, c'est l'idée de niveler donc, les individus. Mais justement, chez Dumont, j'ai appris une chose que je ne savais pas, que même l'élève, lorsqu'il passait pour l'expression la plus radicale de la révolution anglaise, même pour eux, par exemple, qui demandaient le droit de vote universel, chose assez révolutionnaire pour l'époque, par exemple, on voulait exclure tous les salariés et les mendiants, parce que de toute manière, les salariés et les mendiants ne sont pas propriétaires de leur propre personne, et donc ne sont pas les individus indépendants. Un argument qui, au cours du 19e siècle, d'ailleurs, avait été répété par le mouvement ouvrier qui ne voulait pas, en certains cas, que les domestiques aient les droits de vote, parce qu'on pensait que les domestiques auraient voté comme leur patron. Et là, dans tous ces cas-là, donc, l'individu, on était encore, si on veut, dans une vision, effectivement, dans une vision un peu hiérarchique du monde, où l'individu était considéré aussi à travers ses activités, à travers son rôle social, etc. On est dans une vision complètement individualiste, directement, lorsque la seule possession de son propre corps développe l'essentiel. Comme c'est le cas aujourd'hui, où pratiquement où tous ce sont évidemment les enfants, et ceux qui sont entre interdits par maladie mentale ont par exemple le droit de vote. Qui après, évidemment, à cette égalité juridique et théorique ne correspond pas du tout à une égalité matériel, économique, des conditions sociales, n'est pas une contradiction en vérité. À l'intérieur d'une évidemment d'une société basée sur le contrat entre individus et pas évidemment sur une espèce de fond de communauté préalable. Alors donc Homo Economicus, donc genèse et épanouissement de l'idéologie économique, donc du monde, donc et après l'introduction, il passe donc par différentes étapes, donc par le mercantiliste Quesnay, Locke, Montville et Adam Smith pour expliquer comment au 17e et 18e siècle, donc il naît la catégorie donc, de l'économie. Et comment peu à peu donc, naît une espèce de nouvelle science qui avant le. Oui, donc le mot, évidemment, économie existait, comme vous savez, chez Aristote, ça avait une signification pratiquement opposée à notre signification actuelle. Donc c'était au contraire, donc, c'était l'art de gérer la maisonnée. Donc cela existe, de longues des traités existaient encore à la Renaissance, par exemple chez Alberti. Et selon Dumont, donc là elle est comme assez proche aussi de Polanyi, donc il y a une espèce d'émergence de l'économie au XVIIe siècle, lorsque donc justement donc l'activité économique est séparée par rapport aux autres. Aux autres champs de ce qui fait l'être humain, comme la religion, la morale et la politique. Donc il affirme, il traite un peu dans son autre livre, Les Essais sur l'individualisme, que la catégorie de la politique, ou du politique, on dit plutôt, a également comme on dit, émergé autour du XIIIe siècle, donc lorsque, d'une certaine manière, on a commencé une. Des considérations sur la politique, donc séparées par rapport à la religion. Donc au moins selon ces études, je ne sais pas si ça montrait, donc avant tout était religion, on a été pas si convaincu de ça. Donc il apparaît, donc sur la dernière scolastique, il apparaît au contraire une espèce de séparation de la sphère politique, donc il y a des actions humaines donc, qui sont traitées selon des critères qui ne sont pas évidemment leur accomplissement. Religieux. Et donc, toujours donc, selon Dumont, donc plus tard, donc, il y a donc au XVIIe siècle, il y a l'économie qui se sépare par rapport à la politique. Par exemple, pas encore par exemple, chez les mercantilistes. Chez les mercantilistes, par exemple, au XVIIe siècle, il existait, par exemple, des considérations sur ce que nous appelons l'économie. Par exemple, vous savez, le mercantiliste recommandait d'exporter le plus possible, d'importer le moins possible pour avoir une balance commerciale active et surtout d'accumuler le plus possible de métal précieux. Mais ce n'était pas une économie, disons, parce que là, cette accumulation de richesses était encore d'abord été soumise à une lutte politique. Donc tout cela, ça faisait partir de l'art de gérer un État. Donc l'art de gouverner un État, évidemment, comprenait aussi la capacité d'avoir toujours assez de l'or, essentiellement pour payer, par exemple, les armées. Donc le pouvoir politique, le prestige restait, par exemple, chez les mercantilistes, encore le véritable but. Justement, là aussi, il y a une hiérarchie des valeurs. Dans la société traditionnelle, l'important aussi, c'est l'autorité ou le pouvoir. Et donc, les activités que nous appelons économiques, ils sont comme toujours subordonnées à cette autre finalité. Et c'est donc à partir de la fin du XVIIe siècle, notamment en Angleterre, qui au contraire, il y a cette espèce d'autonomisation de l'économie. Donc l'activité économique est considérée surtout chez Mandeville, nous allons voir de manière un peu presque caricaturale, et après de manière accomplie notamment chez Adam Smith, est considérée donc comme une but en soi, d'abord. Donc accumuler de la richesse donc, n'a plus besoin d'une justification morale ou politique, mais devient en tant que telle une espèce de finalité. Et deuxième chose, l'axe de cette finalité se déplace de l'État vers l'individu. Et là, effectivement, là, je pense que tous les auteurs qui insistent sur l'importance de ce passage ont vraiment raison, donc autour de 1700. Donc, pour la première fois, effectivement, dans la société humaine, je pense que c'était vraiment une primat, donc il commence l'idée que la société n'existe ni pour un but moral, ni religieux, ni pour la gloire du souverain, que la société existe en fonction des individus, et les individus vivent essentiellement pour accumuler une richesse matériel ou à la limite pour acquérir du prestige, pour satisfaire leur ambition, leur orgueil, mais de toute manière, pour satisfaire leur pulsion égoïste. Je ne sais pas si on peut rentrer dans tous les détails. Évidemment, on attribue souvent une grande rôle à Bernard Mandeville. Je pense qu'on va encore reparler la prochaine fois. Vous connaissez cet auteur anglais-hollandais qui a écrit La femme et les abeilles. En 1704, ou d'une manière, si on veut, avec très criard, mais d'une manière pas satirique, mais effectivement sérieux, donc peut-être il était le premier à dire que ce sont des vices qui font tourner la société, si les individus sont ambitieux, orgueilleux, paillards, etc., ce n'est pas un problème. L'important, c'est qu'il y a un ensemble social qui permet à la plupart de la société de se enrichir. Donc, à cette époque-là, donc, d'abord, nous avons donc un abandon presque total de la morale ascétique chrétienne. Évidemment, le capitalisme ne pouvait pas naître avec une morale comme la morale chrétienne qui, d'une certaine manière, qui s'est pas toujours condamner la richesse, mais l'idée que j'étais toujours pour le chrétien, que la richesse sert essentiellement, par exemple, à soulager les pauvres ou à pouvoir faire les œuvres de charité. La réalité pouvait être différente, mais officiellement, évidemment, pour le capitalisme, la richesse ne pouvait jamais être la véritable finalité de la vie d'un chrétien. Au contraire, disons que pragmatiquement, l'Église pensait que le monde chrétien il doit même amasser des richesses, mais les laisser au dernier moment, toujours à un monastère ou une paroisse, avec le prétexte qu'évidemment la paroisse aurait distribué après la richesse aux pauvres. Mais au-delà de la réalité, comme idéologie ou comme hiérarchie des valeurs, comme dirait Dumont, parce que l'hiérarchie est essentiellement une idéologie, donc c'est essentiellement un système des valeurs qui dit qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important dans la vie. L'idéologie, donc la richesse matérielle gardait toujours un caractère honteux, de manière, et pas seulement matérielle aussi, de satisfaire de son ambition, de son orgueil, était toujours considéré, c'était même des péchés capitaux, selon la religion chrétienne. Et là aussi, on peut constater une grande unité de société, non moderne, donc les valeurs morales sont à peu près les mêmes dans presque toutes les sociétés pré-modernes. Donc en général, par exemple, accumuler de la richesse, surtout de la richesse mobile, parce que toujours était vu mal lorsqu'il n'était pas suivi tout de suite de sa dépense. Nous l'avons aussi vu chez Salins. Et même l'orgueil et l'ambition, en général, étaient acceptés lorsqu'il était au service de quelque chose d'autre, par exemple, de bien servir son roi ou d'autre chose. Que l'individu pose soi-même comme une espèce de but suprême et indiscutable et mesure toute la réalité à l'aune de la satisfaction de ses propres désirs n'a jamais été accepté par aucune société au moment de l'idéologie. Je dis, la réalité pouvait parfois être différente. Et c'est resté comme ça aux États-Unis, non? Quand vous entendez Bill Gates qui accumule, et après il dit je vais donner à la charité. Oui, mais justement là, ça peut être plutôt l'influence aussi quand même d'une certaine morale protestante qui effectivement, parce qu'on a souvent indiqué d'ailleurs dans la réforme protestante, est l'origine du capitalisme, et donc cette idée que le succès économique dans la vie était aussi... acceptable parce que c'était un indice de la grâce obtenue par prédestination. Donc vous connaissez les écrits de Weber sur Calvin, etc. Mais même là, le pas n'était pas encore vraiment accompli parce que là encore, la richesse était quand même acceptée, mais seulement comme encore subordonnée comme valeur à l'idée de la grâce divine. Quand même, la richesse était acceptée parce que c'est un signe. Le signe de quelque chose de plus important, donc c'est-à-dire que tu as obtenu la grâce pour l'autre vie. Ce n'est qu'avec Mondeville et avec les auteurs anglais du XVIIe siècle, qui, d'une certaine manière, tous ces préceptes moraux et religieux tombent, ou de toute manière, on leur paye une tribu, il est visiblement hypocrite, et qui donc pour la première fois pratiquement se enrichir et proclamer ouvertement comme une espèce de but. Et donc, au moment en Angleterre, cette émancipation n'est pas seulement par rapport à la religion, mais même par rapport à l'État. Donc, évidemment, donc, même au monde, les individus des Mondeville, donc, ils s'en fichent aussi de l'État, ils élogent même les grands voleurs d'État, donc ce que les ministres qui volent le plus possible. Parce que chez Mondeville, nous trouvons déjà clairement cette idée reprise par Adam Smith, donc il y a une espèce d'harmonie naturelle des intérêts. Donc, c'est-à-dire. Donc si chacun se préoccupe seulement suit seulement ses propres intérêts, il y a une espèce d'harmonie, donc c'est le fameux invisible d'Adam Smith, qui fait que le résultat collectif de tant d'égoïsme est finalement une société où chacun vit beaucoup mieux que dans une autre société qui est basée sur l'altruisme, sur le moralisme. Parce que là, il y a aussi l'idée chez ces auteurs-là que la richesse est quelque nationale et quelque chose comment, qui peut augmenter. Alors, évidemment, cela est fortement en relation avec le take-off de la production industrielle. Parce qu'effectivement, cite même une affirmation de Montaigne, que dans une vision plus traditionnelle, il n'existe pas de création de richesse. Parce qu'en vérité, le commerce signifie toujours que l'un s'enrichit aux dépenses de l'autre. D'une certaine manière, on considérait grosso modo que la somme de la richesse reste égale. Il faut simplement avoir une partie plus grande du gâteau. En effet, c'était à peu près le cas dans la société prémoderne. Que justement, avec les économistes du XVIIe siècle, apparaît cette idée que certaines activités économiques, la liberté économique, d'une certaine manière, fait grandir les gâteaux tout entiers. Et que tout le monde, même ceux qui ont la partie mauvaise, même les pauvres, même les ouvriers, ils ont un intérêt parce que cette harmonie spontanée des intérêts donc fait que même l'égoïsme des riches finalement profite aux pauvres. En effet, dans un chapitre, Adam Smith, il tente de démontrer que même un paysan anglais de son époque vit même mieux qu'un roi africain. Donc c'est la théorie qui d'ailleurs a été répétée d'une innommable fois jusqu'à aujourd'hui. C'était même l'argument, par exemple, je me rappelle, le président brésilien Lula, lorsqu'il a été élu, il promettait on attendait des grandes mesures de redistribution en faveur des pauvres, mais rien ne fait. Il a simplement stimulé l'économie capitaliste au sens le plus classique, on dit, donc avant de distribuer les gâteaux, il faut le faire grandir. Donc, de manière que sans compter rien aux riches, on pouvait donner davantage aux pauvres. On essaie, par exemple, dans le cas du Brésil, je pense qu'ils ont donné l'équivalent de 70 euros à chacun, donc par mois, donc c'était là la partie la plus grande du pauvre. C'est la croissance. Non, c'est dire qu'évidemment, donc, même les libéraux, en général, ils feignent quand même de se préoccuper de la société tout entière, en démontrant que les pauvres, même en certaines manières, ont y gagné dans une économie libérale, mais évidemment, en général, leur gain peut être à peu près, justement, dans les termes comme la bourse famille au Brésil. Donc, le terme, d'une certaine manière, individualisme, égalitarisme, économicisme, matérialisme, utilitarisme, libéralisme, universalisme, donc tout cela, ce sont des termes, d'une certaine manière, qui sont étroitement liés entre eux, qui apparaissent à peu près tous ensemble à cette époque-là, et qui sont, dit du monde, opposition totale à toutes les valeurs qui depuis des milliers d'années ont régné dans la société non moderne, mais qui, en peu de temps, sont devenues, disons, tellement répandues que nous, aujourd'hui, nous sommes, par exemple, tellement dans l'idée de l'individualisme, de l'égalité des individus, que nous acceptons aucune hiérarchisation ni des personnes, ni des faits, ni des idées. Et du moins, il se force à démontrer, moi je trouve de manière pas toujours très convaincante, que même tout ce qui dans la société moderne peut paraître holiste ou hiérarchique, comme par exemple les pensées totalitaires, en vérité se base toujours sur une base individualiste. Et sur cette base acceptée, d'une certaine manière, il tente de restaurer de manière malsaine un aspect holiste. Et nous, il offre cela même comme une explication du totalitarisme, par exemple du nazisme. Donc en vérité, donc, selon lui, dans toute la société moderne, personne n'échappe à l'individualisme. On pense toujours la société à partir de l'individu. Et donc, justement, la deuxième partie du livre de Homo Economicus est consacrée à Marx. Donc, évidemment, il n'accepte pas du tout l'idée que Marx serait un auteur collectiviste, un auteur, comme on dit souvent à droite, on dit souvent, justement, que Marx ne respecte pas l'individu, il veut le soumettre à l'aide d'un collectif. Mais, au contraire, il se force de démontrer que toute la pensée de Marx est toujours une pensée de l'individu, donc une pensée de la libération de l'individu. Et que tout le concept des valeurs de travail, que lui il attribue d'ailleurs sans autre à Marx, est exactement un concept extrêmement individualiste, parce que dans l'idée du travail, de la valeur de travail, donc l'individu est toujours possesseur de ce qu'il fait, parce que c'est lui, comme individu, dans un rapport avec les objets naturels qu'il a créés, et donc il en reste possesseur. Vous me suivez à peu près? Oui. Alors, en effet, c'est l'autre chose sur laquelle on insiste beaucoup. Donc, alors, ce passage de la hiérarchie, il ne dit jamais communauté, donc il dit à peu près de la hiérarchie à l'individu, et qui voit d'un autre grand passage, à une situation où l'essentiel du rapport et la relation entre êtres humains, à une situation où l'essentiel est le rapport entre l'homme et la nature. Alors, ça veut dire que dans la société hiérarchique, selon lui, donc les êtres humains sont toujours définis par rapport à d'autres êtres humains. Et donc, même la manière donc, de satisfaire leurs besoins matériels passe toujours par le rapport avec d'autres êtres humains. Et par exemple, de là, évidemment, que ça réfère aussi à la théorie mossienne du don. D'ailleurs, du don était une élève directe de Demos. Sauf que dans le don, donc, il y a essentiellement un rapport entre personnes, parce que comme on s'en met en relief, on donne toujours aussi quelque chose de soi, on établit une relation entre dons. Et donc l'être humain, là, ne peut jamais être pensé comme individu isolé dans une société du don, par exemple. parce qu'il existe toujours déjà en tant que partie du tissu, et il n'est plus, tandis que dans une société marchande, essentiellement, au mot, donc la base idéologique de la société marchande, c'est que chaque homme est propriétaire de son corps. Donc cette personne, elle se réfère à Locke, donc nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Et donc ça veut aussi dire déjà Locke, donc évidemment, chacun a un droit au produit de son travail, parce que son travail appartient à celui qui l'exécute, et donc la base de la propriété sur le travail. Et donc là, dans ces cas-là, l'individu est défini à travers l'action qu'il fait sur la nature, et pas à travers son rapport avec les autres. Il peut évidemment avoir besoin, au plan pratique et technique, de la coopération avec les autres dans son rapport avec la nature. Mais sa place qu'il a dans la société dépend essentiellement de ce que lui, il a réussi à arracher à la nature à travers l'action de son corps ou de son cerveau. Donc c'est un rapport strictement individualiste et où le rapport avec la nature, donc avec les ressources naturelles, prime sur le rapport avec les autres. C'est là, effectivement, je pense qu'on tient une bonne partie des vérités. Il suffit, là, c'est pas nous qui l'ai dit, mais il suffit de comparer, par exemple, le don au sens des mots avec l'échange des marchandises. Et donc le don insiste beaucoup, dans le don n'est pas une troque. Ce n'est pas que moi je te donne une chose, tu me donnes l'autre, et après chacun retourne dans sa forêt. Justement, l'essence du don, c'est la chaîne, c'est-à-dire qu'il n'est jamais complet. Moi je te donne une chose, mais moi tu ne me donnes rien, mais peut-être tu vas donner à quelqu'un d'autre, qui va donner à quelqu'un d'autre, qui va donner à moi. Ou par exemple, moi je donne à toi, et peut-être dans 3 ans, peut-être je vais te rendre un service. Etc. Donc l'essentiel du don, c'est que la chaîne n'est jamais accomplie, on reste toujours en dette avec quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'on est toujours défini par rapport aux autres. Donc on est toujours dans un rapport aussi ou de dette ou de passif ou active. Et tandis que l'échange de marchandises typique, une fois que l'échange est accompli, chacun retourne dans une espèce d'atomisme. Donc, effectivement, l'échangiste des marchandises est un être atomisé. Donc, il existe en tant que tel qu'il peut s'associer de manière temporaire avec d'autres pour ses activités. Mais la base, c'est toujours l'individu. Et en effet, nous trouvons souvent, par exemple, assez insupportable aujourd'hui d'être en dette avec quelqu'un, même au plan psychologique ou autre, parce que c'est comme si l'autre possédait une partie de nous, comme s'il la tenait en otage. Nous voulons être complètement maîtres de nous-mêmes, nous ne voulons pas dévoir quelque chose à quelqu'un d'autre, non? C'est aussi, par exemple, pourquoi même un sentiment comme la gratitude, par exemple, a aussi beaucoup perdu de son importance sociale. Parce que la gratitude, ça veut comme toujours dire de laisser une partie de nous porter au pouvoir de l'autre. Et donc, on dit évidemment le rapport marchand typique, évidemment juste un rapport où à la fin de l'acte d'échange, nous retournons complètement maître de nous-mêmes. Donc, nous retournons à une espèce d'individu complètement isolé. Alors, là, effectivement, là aussi, donc il est tout à fait vrai que le capitalisme n'aurait jamais pu exister sans ce déplacement de l'axe vers l'individu. Alors, comment définit Aristote l'être humain? Comme une zone politique. L'homme est un animal politique, donc par Aristote, comme vous l'avez dit, l'être humain n'est pas l'individu, il existe, il est d'abord pensé comme l'être d'une communauté. Et malgré donc, qu'on attribue en grec une force de l'individualisme, de l'individualité, quand même la première chose qu'il dit Aristote, c'est que l'être, c'est un animal, qui en vérité existe, qui ne peut vivre d'une certaine manière qu'ensemble. Alors effectivement, pour le chrétien, c'est la même chose, l'être humain existe essentiellement comme âme créée par Dieu. Effectivement, le premier ordre important qui base toute sa philosophie sur l'idée de l'individu, ce qui se démontre dans une deuxième temps entre en relation avec les autres, c'est évidemment Thomas Hobbes. Donc, on retourne toujours à la grande importance de Hobbes. Donc Hobbes, l'importance de Hobbes ne réside pas seulement dans son pessimisme, évidemment, dans cette idée qu'il y a une guerre de tous contre tous. Donc ce n'est pas simplement le fait qu'il présuppose que l'être humain est par sa nature agressif et mauvais vers l'autre, mais peut-être à un niveau encore plus profond, la révolution de Hobbes consiste dans le fait de penser que l'être humain est essentiellement un animal solitaire et pas politique, que l'état, donc, disons, ontologique de l'être humain, de marcher tout seul dans une forêt à la recherche de son gibier, simplement de frapper surtout d'autres humains qu'il trouve, et seulement après, par nécessité, de trouver quelques accords avec les autres, des accords qui, de toute manière, risquent toujours de se rompre à tout moment. Donc là, effectivement, c'est sûr que Hobbes aussi, il a eu probablement quelques prédécesseurs, mais quand même une véritable... Si on dit qu'avec Hobbes commence une véritable révolution anthropologique, donc je pense qu'on n'exagère pas. Effectivement, toute la réflexion anglaise qui nous occupe ici, de Locke, de Montville, de Adam Smith, etc., il se base toujours sur son premier parcours accompli par Hobbes. Donc c'est cette idée que l'être humain est par son essence un individu en hostilité avec les autres, donc qui doit après trouver une manière pour se lier aux autres. Je dis, cela, donc, c'était pas un problème qui se posait les théoriciens politiques, Thomas d'Aquin ou Aristote, etc., mais se posait pas ce problème. Pour eux, c'était une évidence que l'être humain se trouve toujours dans une relation. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il avait toujours une vision positive ou optimiste de l'être humain. Il ne le considère pas. Il ne pouvait pas concevoir un être humain isolé, même par plan mental, il ne pouvait pas concevoir un être humain isolé et la société comme une simple agglomération d'individus qui déjà entendent que tels, de certaine manière, sont chacun un univers. Même si probablement on peut trouver l'origine de cette idée que chaque individu est déjà une espèce d'accomplissement, on peut probablement le trouver dans le christianisme, mais en vérité, d'une certaine manière, paradoxalement, le christianisme justement a créé, comme on a parfois fait remarquer, justement, créé son propre dépassement. Donc, phrase assez typique. Pour la plupart des sociétés, et donc bien lieu dans les civilisations supérieures, ou comme je dirais le plus souvent les sociétés traditionnelles, les relations entre hommes sont plus importantes, plus hautement valorisées que les relations entre hommes et choses. Cette primauté est renversée dans les types modernes de société où les relations entre hommes sont au contraire subordonnées aux relations entre les hommes et les choses. Marx a dit cela à sa manière, comme on le verra. Étroitement lié à cette inversion de primauté, nous trouvons dans la société moderne une nouvelle conception de la richesse. Dans les sociétés traditionnelles en général, la richesse immobilière est nettement distinguée de la richesse mobilière. Les biens fonciers sont une chose, les biens meubles, l'argent en sont une autre. En effet, les droits sur la terre sont imbriqués dans l'organisation sociale. Les droits supérieurs sur la terre accompagnent les pouvoirs sur les hommes. Et ces droits, cette sorte de richesse étant affaire de relations entre hommes, sont intrinsèquement supérieurs à la richesse mobilière, méprisée comme une simple relation aux choses. C'est encore un point que Marx a clairement perçu. En effet, comme vous savez, encore jusqu'à la Révolution française, même là où il n'y avait pas d'esclavage, où lorsqu'on achetait une terre, on achetait en général aussi, par exemple, ce qu'on appelait la juridiction inférieure. Donc en général, donc, les pauvres des féodales étaient, avaient également le droit, par exemple, de juger au moment le petit délit, et donc ils restaient toujours dans un rapport direct de subordination avec ceux qui habitaient cette terre. Et donc justement la domination de la terre, donc c'était jamais évidemment justement la domination du sol, évidemment, donc c'était toujours une domination aussi sur les personnes qui y vivaient. Et donc c'est effectivement, vous savez, la seule forme de certaine manière de richesse moralement acceptable dans pratiquement toute la société jusqu'au capitalisme était la propriété de la terre. Et la propriété, donc acquérir une propriété de la terre, et acquérir non avec de l'argent, mais à travers en général la conquête ou à travers le service militaire, était considérée la seule activité digne d'être être humain. Et vous savez, donc, que ce soit dans l'Antiquité gréco-romaine ou dans le Moyen-Âge, ou encore au moins en théorie, en France au XVIIIe siècle, le commerce, toute forme de commerce, d'artisanat, de manufactures, tout cela était considéré en vérité comme des activités viles. Et souvent, par exemple, le noble avait même besoin de dépenses, ou plus souvent, il devait utiliser une prête-nom pour pouvoir se donner à ces activités-là. Donc, il n'était pas permis, en théorie, à du féodataire, par exemple, de revestir son argent dans le commerce. Déjà, la même chose, même dans l'Antiquité, donc on avait, les empereurs avaient plusieurs fois, par exemple, fait des lois, par exemple, qui défendaient, par exemple, aux sénateurs de faire autre chose que l'agriculture. Donc, il a été défendu, en théorie, donc, par exemple, de se enrichir avec le commerce à longue distance, qui en vérité, évidemment, donnait beaucoup plus de profit. Mais, évidemment, là, dans cette activité-là, il y a donc une espèce de rapport direct à la nature qui, évidemment, était, là, je pense là, du moins à raison, était moins prisé par rapport à la domination directe, au rapport direct avec les autres hommes. Ou, évidemment, donc là, il faut rendre justice à du monde, donc cette hiérarchie de battre, je pense, n'est pas essentiellement à comprendre comme une forme directe d'exercice physique et brutal du pouvoir. Donc, évidemment, là, au contraire, dit cela n'arrive que là où l'autorité, d'une certaine manière, s'est déjà affaiblie. Donc, une véritable société hiérarchique, comme on l'a dit, donc cette domination n'est presque pas visible parce qu'évidemment, chacun accepte plus ou moins sa place dans le grand organisme et exerce son rôle. Ce qui, évidemment, n'est pas au moment là où la société hiérarchique vraiment existe sous sa forme pure, effectivement, n'est même pas considéré négativement, même pour ces membres, parce qu'évidemment, lorsqu'on est vraiment convaincu qu'on a sa place parce que, à cause, par exemple, de la faute de quelqu'un, de la réincarnation, même, qui s'est mal passée à partir de quelques ancêtres, donc on ne se pointe pas à ceux qui sont plus en haut dans la hiérarchie, bon, à la limite, on ne peut s'en prendre avec personne dans une société hiérarchique. Parce que finalement, heureusement, cette société ne marche presque jamais parfaitement. Il y a évidemment des révoltes. Mais très souvent, justement, ces révoltes, comme je disais même avant, ne sont pas contre le principe de l'hiérarchie tel quel, mais contre le fait que, par exemple, ceux qui sont en haut se prennent une partie plus grande de ce que leur est dû. Comme je dis, même les paysans du Moyen-Âge, en général, sauf peut-être quelques exceptions, il est contesté par l'existence, par exemple, de l'Église en tant que telle. Et vous disiez justement que l'Église, en se enrichissant matériellement, simplement, donc aller au-delà de son rôle. Qu'est-ce que tu disais? Ah, mais aujourd'hui encore. Ouais. Bah, les mouvements sociaux, en général, c'est par rapport à... Ce qui met en branle un mouvement social, c'est l'acquis qui a été défait ou démantelé. C'est pas en vue d'un meilleur dans le futur. C'est en général. J'ai l'impression que ça se relève plus de la. C'est plus universel qu'on pense. Cette façon. Enfin, vous dites, les puissances révoltées pour restaurer ou réinstaurer ou réétablir l'ordre juste, enfin, supposé juste, antérieure. Oui. C'est un peu pareil. C'est un réflexe, ça. C'est... Oui, là, ces genres de contestations, on trouve beaucoup plus facilement le public, par exemple, de critiquer la corruption des hommes politiques, en général. Ça passe beaucoup plus facilement que de critiquer le fait même qu'elle existe, par exemple, des hommes politiques qu'elle existe pour les autres. C'est ça. Oui, je veux dire, c'est-à-dire en vérité, on peut-être même retourner, justement avec le fétichisme de la marchandise, on est presque retourné à ce système de hiérarchie qui se présente justement comme naturel, pas fait par l'être humain, et où également les pauvres invités à ne pas critiquer les riches, parce que c'est pas la faute du riche, mais c'est la faute justement du système du marché, qu'évidemment au loup, il n'a pas su. Soutenir sa place. Justement, évidemment, le fétichisme, évidemment, marche du état, ou il n'est même pas pensable, d'une certaine manière, de pouvoir en sortir. Mais c'est eux qui instaurent ce marché. Oui, mais eux aussi, de toute manière, ce sont tous les participants au marché que l'on installe, justement, même ceux qui, évidemment, qui n'y tiennent pas une bonne rôle. C'est là aussi évidemment la différence entre la domination anonyme personnelle de la marchandise par rapport à une domination visible. Je pense que c'est une certaine faiblesse du capitalisme, une cause de révolution, surtout au XIXe siècle. C'était aussi son caractère trop visible. Évidemment, le riche, évidemment, qui passait au milieu donc avec une amie blonde, au milieu d'une usine entre les ouvriers, en forme, en guenille, évidemment, ça c'était provocant aussi, parce que là, on savait au moins pourquoi on était pauvre. Et il faut aussi dire que le capitalisme a fait au XXe siècle de gros progrès aussi dans l'art, de certaines manières de faire disparaître cet aspect visible. Et justement, aujourd'hui, par exemple, tous les mois, on dit les marchés ont voulu, les marchés n'ont pas accepté la dernière loi du gouvernement, etc. Là, on est à nouveau face à des mécanismes complètement anonymes. Est-ce que finalement, vous dites c'est pas propre à tous les ordres de domination d'avoir su faire disparaître leur domination à travers l'imposition de formes d'existence, de vie On parlait de fétichisme, vous disiez vous-même que fétichisme, finalement, il y en a toujours eu, il y en aura probablement encore. Ce qui spécifie le capitalisme au regard des autres systèmes de domination, c'est le côté abstrait peut-être, mais pas le côté fétichisme, Oui, bah, c'est un thème sur lequel nous revenons souvent. Oui, le fétichisme n'est pas une mystification, le fétichisme est effectivement l'abstraction, donc où l'existence du marché, de la marchandise, etc., ce n'est pas une tromperie derrière laquelle se cache quand même une personne, c'est comme un système ou évidemment qui marche à travers les actes quotidiens des acteurs, parce que ces acteurs également, ils exercent une loi qui les dépasse. Oui, je pense peut-être, c'est une idée qui me vient maintenant, que la fréquence de la révolution au XIXe siècle était aussi due au fait qu'il y avait quand même encore une domination assez personnelle, assez visible, qui en même temps avait quand même perdu sa justification métaphysique. C'était un contexte qui était plutôt favorable à une prise de conscience. Tandis qu'évidemment, beaucoup plus difficile par exemple de se révolter contre une délocalisation lorsqu'ils peuvent plus expliquer que faire une usine en France c'est simplement tellement cher qu'il va de toute manière, donc même si on oblige les propriétaires à ne pas la fermer, il va quand même sombrer très vite, parce que là évidemment justement il faudrait mettre en discussion tout le système qui est derrière, mais qui justement à cause de son caractère abstrait se prête difficilement à être objet d'une manifestation ou d'une proposition de loi. Et en ce sens, est-ce qu'on pourrait dire que la gauche libérale qui dit qu'il faut lutter contre les délocalisations, il faut relocaliser en France, en Italie, en Allemagne, en Europe plutôt que dans les pays du tiers-monde, est-ce que c'est pas justement une réponse pré-moderne, enfin d'une certaine façon, qui reste qui cherche à, enfin, qui cherche pas à sortir du système capitaliste, mais qui cherche simplement à continuer, enfin, à maintenir cette espèce de non-visibilité de la domination. J'ai l'impression que c'est ça quand même qui, enfin, que c'est, quand on, si on le met dans ces termes-là, c'est quand même à la limite quelque chose qui sait revenir à une vision quasiment prémoderne, quoi, de l'humain, que le capitalisme soit pas trop visible plutôt que le détruire entièrement. Bah, surtout, ce sont des, je pense, ce sont deux des propositions où on veut avoir la, le beurre, l'argent du beurre. Donc, sans le moindre du monde mettre en doute en général l'existence du profit, du travail, du travail abstrait, de la nécessité du marché, etc. On veut simplement prendre un élément isolé et l'obliger à marcher dans une sorte contraire à la logique générale. Mais si, par exemple, on dit qu'évidemment que le travail coûte plus cher en France qu'en Chine, c'est une réalité à l'intérieur du système capitaliste. Et donc ce n'est pas la mauvaise volonté, tu peux évidemment aussi obliger le patron à ne pas fermer son entreprise, tu peux aussi le mettre en prison, c'est vrai quand même, probablement l'entreprise va sombrer très vite quand même. Et là, c'est là d'ailleurs qu'on explique aussi, parce que certainement, souvent dans les débats publics, la droite l'emporte sur la gauche, parce qu'effectivement, au niveau immédiat, ces propositions sont plus réalistes. Donc c'est certainement bien parce que... C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on entend les discours même de la gauche, Mélenchon ou Besancenot. Quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui parle la réalité, enfin qui dit la réalité, qui dit, bon, Besancenot dit, en gros, les patrons sont pas gentils, Mélenchon dit, ils sont pas patriotes, et eux, ils répondent, oui, mais le système. Ils répondent, ils parlent le langage du système. Et donc, effectivement, les gens, face à ce discours-là, entre un discours moraliste et un discours réaliste, entre guillemets, voilà, ils choisissent plus ou moins, enfin, ils choisissent le discours réaliste s'ils sont un peu rigoureux, et s'il y a quand même le côté moral qui l'emporte, bon, comme la plupart des gens, enfin, un peu normalement constitués, ils penchent quand même pour l'autre, parce qu'il a un côté humain, il y a le cœur qui parle, etc. Mais c'est vrai que ça fait... Ils n'attaquent pas le cœur du système. Seulement face au superficiel. C'est les capitalistes qui l'ont institué, c'est eux qui ont fixé les règles. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est que, un peu comme vous allez chez le banquier, il a institué des règles, il vous donne un petit, des fois il ne vous le donne même pas, un bouquin avec des trucs très compliqués, que même si vous vouliez le lire, il faudrait un mois. Enfin, c'est pareil pour le capitaliste, c'est lui qui instaure les règles. Mais là, vous avez dit une phrase, c'est que. Ça a perdu sa justification. Au 19e siècle, ils ont perdu leur justification. On est d'accord, vous avez dit ça. Que c'est à cause de ça qu'il y a eu la révolution. C'est parce que la classe dirigeante avait perdu sa justification. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, la classe dirigeante aussi a perdu sa justification ? Oui, bah, je veux dire, depuis quelques années seulement. Oui, mais il y a quand même toujours la certaine tendance à personnaliser une logique anonyme. Je trouve dans vos interventions. C'est-à-dire, évidemment, toujours, ici, on tente toujours un peu juste pour démontrer la contraire, de démontrer que cette espèce de coercition exercée par une logique fétichiste, elle est bien réelle. Évidemment, elle n'est pas naturelle, mais elle est comme bien réelle à l'intérieur d'un système donné. En l'occurrence, pour l'histoire des banquiers qui dicteraient les règles, c'est pour connaître un tout petit peu comment fonctionne justement la rédaction des documents par lesquels on transmet aux clients des banques les cadres dans lesquels il va y avoir les contrats, les échanges, etc. Les banques elles-mêmes, elles décident pas le contenu des contrats. C'est quelque chose qui s'impose et qui se forme par l'intermédiaire. Effectivement, d'institutions, des choses qui sont comprises ou qui sont vécues par les banquiers eux-mêmes comme totalement impersonnelles et descendants de... Alors, eux-mêmes vont accuser des espaces réglementaires étatiques ou supra-étatiques, etc. Mais eux-mêmes ne décident pas du contenu, du contrat. En fait, ils décident. Si vous prenez entre deux yeux, dit non, non, mais c'est rien du tout. Mais ça, c'est rien du tout. Ça s'appelle l'appel au grand tout. Les rédacteurs des documents qui sont transmis aux clients, eux-mêmes, définissent le contenu des contrats sur la base de toutes choses qui s'imposent à eux et qui ne s'imposent pas, qui ne négocient pas ou qui décident pas entre eux. Je veux dire, les banquiers ne se réunissent pas en disant tiens, qu'est-ce qu'on va mettre dans les contrats. Les banquiers ne se réunissent pas pour décider ça. Qu'est-ce qu'il y a dans leur contrat. Non, bah, c'est pas. Alors vous rêvez là. Ben, non, je ne rêve pas. Bien sûr que oui. Écoutez, je ne sais pas, faites-vous embaucher dans une banque, travailler dans ce milieu-là. Et dans les services qui sont en charge de ça, et vous comprendrez rapidement que ce qui pèse sur chacun de nous en tant que travailleurs avec ou sans emploi dans cette société pèse aussi sur ceux qui produisent les soi-disant contraintes, les soi-disant cadres imposés par les banques à leurs clients. C'est exactement la même chose. Ça dépend de quel niveau vous êtes. En Goldman Sachs, vis-à-vis de la Grèce, il y en a quand même. Enfin, la direction a oui, mais bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Mais eux-mêmes n'ont fait que jouer ou être les agents gagnants, certes. C'est clair. Ils sont les gagnants de la chose. Mais dans le système dans lequel ils ont été que les agents de quelque chose qui se déroulait de toute façon devant eux. Le tapis se déroulait devant eux, ils sont montés dessus. Et ils ont considéré comme les gagnants parce qu'ils sont montés sur le tapis roulant. Ah, mais le tapis, c'est pas eux qui l'animent. Justement, est-ce qu'on ne peut pas dire que maintenant, ils ont perdu leur justification? Ils ont perdu leur justification. On n'a plus besoin d'eux, de tout leur contrat, de ces gens-là. Mais pardon, même peut-être. Oui ou non? Est-ce qu'on pensait qu'on n'a plus besoin d'eux et qu'on peut dire qu'ils ont perdu leur justification? Non, j'avais trop dit dès le début. Alors, évidemment, la critique de la valeur porte inévitablement à des considérations sur l'actualité aussi. Je vous proposais que nous gardions cette partie pour après, pour le bar. Donc, nous libérer à l'aspect entre guillemets, donc question qui fait que vous dites 18e siècle, maintenant on est 21e siècle. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il se passe la même chose au point de vue de la justification? De ce que vous appelez la justification. Ils ont perdu leur justification. Moi, je pense depuis... Ils s'en passent très bien, en vérité, de leur justification. C'est là le fait. On est d'accord. Oui. On est dans un système qui est tellement pervers que même la contestation est devenue un marché. Tu le vois dans l'art. La diabolisation du banquier, t'as des t-shirts qui vont se vendre donc c'est complètement. Mais si tu vois le film qui s'appelle Ridicule, il y a un film qui s'appelle Ridicule, qui est vraiment un film sensationnel, qui se passe quelques années avant la Révolution, où on voit des nobles pomponnés qui disent des phrases complètement ridicules, complètement idiotes et tout. Et on cherche toujours quelqu'un qu'on va pouvoir ridiculiser. Bon. C'est ce qui se passe. On est dans cette période où ils ne servent en faire à rien. Il y a une chanson de Lavilliers qui dit ils te prennent pour un con et dans des ils te prennent pour un con et ils utilisent ton fric dans des cours. Mais quand est-ce qu'on les jette? Quand est-ce qu'on les jette? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur justice? On va continuer après, parce qu'on a presque terminé. Alors, plusieurs choses. Alors, d'abord, je n'ai pas vraiment terminé le discours sur Dumont, moi j'ai dit l'essentiel. Donc, ici, donc, effectivement, Dumont, malgré ces deux précisions, et même ce véritable contre-sens, c'est un des auteurs qui nous aide à comprendre pourquoi la naissance du capitalisme faisait partie de véritables révolutions anthropologiques. Qui effectivement a été peut-être la fracture, au moins de cette condition-là, la fracture la plus profonde depuis la préhistoire. Donc là, effectivement, depuis l'Antiquité. Là, il y a une vision de l'être humain qu'on n'a jamais vu avant, donc une être atomisée, individualiste, essentiellement égalitaire, et donc qui a le droit de satisfaire donc, ses propres besoins, ses propres désirs. L'idée de poser comme valeur suprême et de concevoir la société comme au service de cette, de ses propres besoins. Donc ça veut dire que l'axe se déplace vers, vers l'individu et vers les individus conçus comme égaux et comme n'ayant pas de lien social préalable aux échanges économiques avec les autres. Je veux dire, donc, il ne faut pas nécessairement partager l'opinion du dimanche sur tous. Mais là, il a effectivement cueilli l'aspect essentiel qui nous est important pour comprendre justement ce que nous occupera aussi dans les prochaines sessions, c'est-à-dire la naissance du sujet moderne et donc la révolution profonde que cela comporte. Un autre défaut de Dumont, et qu'il partage d'ailleurs d'une certaine manière avec des auteurs comme Serge Latouche lorsqu'il a écrit le morceau de l'économie, ou d'autres auteurs non universitaires comme Michéa dans son livre sur la genèse du libéralisme, c'est du fond et cette étrange vision absolument idéaliste dans le sens que l'économie semble être vraiment l'une fonction d'un concept qui, d'une certaine manière, pour des raisons presque inexplicables, d'une certaine manière, se diffuser presque comme une espèce de cancre à l'intérieur de la société. D'ailleurs, c'est assez, il y a même là un parallélisme curieux. De même que aujourd'hui, donc, par exemple, si vous lisez les publications du Monde diplomatique de Pierre Bourdieu, etc., il semble que le néolibéralisme est essentiellement dû à une espèce de conspiration donnée par les économistes néolibéraux, des gens de Hayek et la société du monde pour l'Europe. Il semble pour ces auteurs que déjà dans le sens du capitalisme, il est dû à une espèce de conspiration, pas toujours pour ce salopard d'économistes. Donc c'est quand même une vision de l'histoire plutôt ou idéaliste ou conspirationniste. On attribue quand même ici un rôle énorme, je trouve, aux idées des savants. Au monde du monde, le fait explicitement, et donc il refuse de discuter les causes économiques et historiques de cette évolution avec un argument que moi je trouve qui relève purement le sophisme. Il dit que la même conception d'une superstructure idéologique qui dépend d'une base économique est déjà une idée moderne et donc fait donc partie du phénomène qu'il faut expliquer, qui ne peut pas servir comme utile pour l'expliquer. Moi, je trouve que cela est un simple sophisme, évidemment, qui nous sert pratiquement pour évacuer la question. En vérité, au contraire, donc, tout ce qui doit nous intéresser, même dans les prochaines séances, c'est de voir de quelle manière donc, la diffusion bien réelle de la marchandise et de l'argent à l'intérieur du mode de production moderne, justement, va de pair avec cette formation d'une idéologie économique, sans qu'on puisse attribuer la priorité à un de ces facteurs. Et au-delà de la formation d'une simple idéologie économique, nous sommes effectivement ici face à une redéfinition de l'être humain. Alors, on se voit la semaine prochaine. Une fois, je voudrais vous faire une espèce de devoir à la maison. Cherchez sur Internet la fable des abeilles. Donc, vous le trouvez sous Gallica. Donc, ça s'est mis dans le livre français. Mais ça, c'est difficile. Vous pouvez le s'assainir dans des meilleurs tours plus, et donc il y a une traduction assez libre sur ce Gallica, et ça vaut quand même la peine. Au moins la partie en vert, le livre entier est beaucoup plus long, mais l'essentiel est déjà mis dans la petite fable sur les abeilles. Alors samedi, donc, il y a la réunion, tu veux peut-être dire où c'est? Alors c'est à la Parole Errante, donc c'est à Montreuil. 9 rue François de Vergne. Rappelez-vous le métro Chabot. Métro Chabot, je crois le Chabot. Et ça démarre le matin à partir de 10h. Samedi 6. Qu'est-ce qui démarre C'est quoi le programme en fait? Alors, le programme, c'est la deuxième partie du bouquin de Poston, Temps, Travail et Domination Sociale. Et avec... Comment? À partir de 10h. Donc, il y a trois...